Bienvenue aux amateurs de rock progressif pour cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures-là, ben, on va entendre quelques nouveautés et aussi des classiques des années précédentes. C'est un peu la particularité de l'émission. On ratisse assez large. Et c'est pour le bien de tous les auditeurs. Alors, on va débuter, en fait, les deux heures, enfin, un petit survol de ce qui va se passer. On aura la Dottrina degli Opposti. Ça, c'est un groupe italien qui va occuper le premier bloc de l'émission, qui est consacré habituellement aux albums de la semaine. Ça va être suivi de Don River Dead Man Go, une nouveauté des Pays-Bas. Nouveauté qu'on a aussi entendue la semaine dernière. J'en ai fait écouter deux extraits. On aura une nouveauté de Argos d'Allemagne, un petit retour dans le passé en 2013 avec Os Sonaten d'Italie. On aura aussi Caravelle Escarlate du Brésil, Conqueror d'Italie, IQ, bien entendu, un classique britannique. On aura Ecolin aussi, un classique des États-Unis, et King Crow d'Italie. Et on va conclure avec un extrait de Riverside, la pièce titre de l'album Wasteland qui est paru il y a quelques semaines. Ça sera un avant-goût pour l'émission de la semaine prochaine parce que c'est Riverside qui va occuper le premier bloc de l'émission. Alors on débute avec la Dottrina degli Opposti qui est un nouveau groupe italien. Mais ce ne sont pas des nouveaux musiciens qui composent le groupe. Il y en a quatre musiciens principalement, dont deux qui nous viennent de la Cosenza di Zeno. On a Andrea Lotti, le claviériste, et Gabriele Guidi Colombi à la basse. Et on a aussi deux musiciens qui viennent de la formation Il Tempio delle Clessidre, Francesco Chiappica, qui est le chanteur, et Paolo Tixi à la batterie. Paolo Tixi qui aussi, en fait, je l'ai vu, il participe à la formation aussi Os Sonaten qu'on a vu à Québec, à la convention Terra Incognita, il y a l'année passée. Alors, ce groupe-là nous sort un album. En fait, les quatre musiciens sont accompagnés d'une trentaine d'autres musiciens invités. Ça nous donne 7 pièces, mais un album assez court quand même de 40 minutes. Habituellement, on s'attend à des albums qui durent entre 50 et 60 minutes. Mais précisons qu'il y a la qualité. C'est pas, il n'y a rien à jeter là-dedans. Alors moi, c'est un de mes 15 albums top de la saison de l'année 2018. Alors on y va tout de suite avec la Dottrina degli Opposti. Thank you.

stretti. Nero, grigio e tu, verso già. passo tra la folla non curante della strada dove devo andare, tra chi pensa già ai regali di Natale e chi scatta Polaroid. E poi mi ritrovo insieme a te seduto qui a studiare in un caffè. Al libro che ho di fronte e che tengo tra le mani, mentre stringo tra le labbra fiumi di parole che mai ti dirò, quelle che ho provato e riprovato ogni giorno in faccia ad uno specchio. Silenzi proprio qui davanti a te. E tu non lo sai, ma forse preferisco un'illusione al vero. Senza chiederle di più. ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe italien La Dottrina degli Opposti, avec leur premier album Arrivederci Sogni. Ça, c'est paru il y a quelques semaines, en fait quelques mois au printemps dernier. Et je rappelle que c'est quatre musiciens, dont deux proviennent du groupe italien La Conscienza di Zeno et deux autres de Il Tempio delle Clessidre. Alors après la pause, Downriver, Dead Man Go, Argos d'Allemagne et Ossonaten d'Italie. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Ce deuxième bloc, on va le débuter avec Downriver, Dead Man Go. C'est un groupe des Pays-Bas qu'on a entendu la semaine dernière. J'ai fait passer deux extraits de l'album Departures et je reviens cette semaine avec Loneliest of Creatures. Ça, c'est le troisième extrait, dis-je, depuis deux semaines. C'est un album assez bien reçu. C'est au niveau des arrangements, la production, le son est impeccable. Et ça va être suivi d'Argos. Argos, qui est un groupe allemand dont on connaît cinq albums studio. Ils existent depuis 2009 et cette année, ils ont fait paraître leur cinquième, Unidentified Dying Objects, et on va entendre la pièce The Hunter's Last Stand. Et on va conclure avec Ossonaten. Ossonaten, qui est un groupe italien avec huit albums studio. C'est un groupe qui existe depuis 1997. Disons que c'est aussi Fabio Suffenti qui est le maître d'œuvre derrière ce projet-là, dont plusieurs autres aussi, dont qu'on a connu Finistère. D'ailleurs, Finistère qu'on verra à Québec à la fin de semaine du 17 au 19 mai 2019 à la convention Terra Incognita. Donc, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Il y aura aussi quand même quelques bons groupes. Moi, je suis déjà pas mal sûr d'être aux trois journées. Il va y avoir Bjorn Riss. Il y a aussi Airbag. Il va y avoir Fido, Basta, Is, pour nommer les principaux. Alors, c'est sûr que ces trois jours de rock progressif, je pense que c'est un des meilleurs, c'est probablement la meilleure programmation qu'on va avoir ce printemps 2019. Alors, je vous invite à consulter la page Facebook et même le site Internet de Terra Incognita. Vous aurez la programmation complète et au plaisir de s'y voir probablement aussi, parce que moi, je serai là les trois jours. Alors, on débute ça avec Downriver, Dead Man Go. Thank you. someone keep the flow while she sings. She don't need no one, she don't need anything to be free. She don't need no one, she don't.

Alors, c'était Ossonatan d'Italie avec la pièce Seasons Overture. Ça, c'est extrait de Summer Eve, l'album qui est paru en 2013. Et ça a été précédé du groupe allemand Argos et la pièce The Hunters Last Stand, tirée de Unidentified Dying Objects. C'est paru cette année. Et en début de bloc, nous avions Downriver Dead Men Go des Pays-Bas et Loneliest of Creatures. Ça, c'est tiré de Departures, leur plus récent album. Ceux qui apprécient une pièce et qui voudraient trouver l'information, vous n'avez pas à vous rappeler de quoi que ce soit, puisque vous pouvez trouver l'information sur la page Facebook de l'émission Rock de Neuron. Vous allez y trouver le libellé et de toutes les pièces, l'orthographe des albums, des artistes et de la provenance de ces artistes-là. Il y a une multitude d'informations. Après la pause, Caravella Escarlate du Brésil, Conqueror d'Italie et IQ d'Angleterre. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le troisième bloc de cette émission avec une formation du Brésil du nom de Caravella Escarlate. Ils ont produit un album en début d'année 2018. C'est l'album, un album homonyme et je vous propose la pièce Atmosfera Original. Et ça va être suivi de Conqueror, un groupe italien dont la production est de 5 albums studio entre 2003 et 2014. C'est un silence de quand même depuis 5 ans. Et c'est un extrait de du dernier album Sterns que je vous propose. C'est la pièce Sigurta. Et en fin de bloc, nous aurons IQ, cette formation britannique bien connue, qui était dans les parages la semaine dernière. On a pu les voir à Québec et je pense à Montréal. Et c'est un groupe qui quand même est assez prolifique. 11 albums entre 1983 et 2014, tous des albums avec une très forte connotation, en fait, notation, si on se fie à ceux qui suivent Prog Archives. Alors, beaucoup d'albums qui sont au-dessus de 4 sur 5, dont le fameux The Road of Bones, qui est paru en 2014. Donc, eux aussi, comme Conqueror, que j'ai cité précédemment, eux aussi, un long silence depuis 5 ans. J'espère qu'il n'y a rien que... je ne sais rien s'ils sont en train d'enregistrer ou quoi, préparer un nouvel album, mais ce sera bienvenu, bien entendu. Alors, le 10e album du groupe paru en 2009 s'intitule Frequency et on va entendre Riker Skies. Alors, on débute ça avec Caravella Escarlate. Thank you. di verde laggiù. Scivolano giù, che regalo. faces carved out of steel, black and surrounding. No other survivors, no walls without end. So where have I come? Someone Vous avez sûrement reconnu IQ, la voix particulière du chanteur, et c'était la pièce Riker Skies tirée de Frequency. Ça, c'est l'album qui avait précédé Road of Bones. Et auparavant, nous avions Conqueror, la pièce Sigurta, un groupe italien, et ça, c'est tiré de l'album Sterns, paru en 2014. Et en début de bloc, nous avions la formation du Brésil Caravella Escarlate. Et la pièce Atmosfera Originale, ça s'est tiré de l'album homonyme. Après la pause, Écoline des États-Unis, King Crow d'Italie et Riverside, une nouveauté de la Pologne. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission avec, en début de bloc, Écoline. C'est un groupe américain qui existe depuis 1991. En fait, il est silencieux depuis 2015, mais en 2012, il y avait l'album homonyme Écoline. Et moi, je vous propose la pièce Past Gravity. Et ça va être suivi de King Crow, un groupe italien qui existe depuis 2001. Ils ont 7 albums studio, dont le plus récent, The Persistence, que je n'ai pas eu le temps, malheureusement, d'écouter encore. Mais on va se faire un petit avant-goût avec un extrait de Idols qui est paru en 2015. Et la pièce s'intitule If Only. Et on va conclure avec Riverside et un extrait de Wasteland. En fait, c'est la pièce titre. C'est un avant-goût de la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, Riverside va faire partie du premier bloc de l'émission comme album de la semaine. Et Wasteland, c'est tout récent. C'est le premier album studio qui est depuis le décès soudain de leur guitariste Pietro Grudzinski. Selon les informations que je lis, il n'y a pas de guitariste attitré au groupe maintenant. Ils ont deux guitaristes invités. Je nommerai pas les noms, mais ça vient de Pologne, bien entendu. Alors, ça va être Wasteland, tiré de l'album Wasteland. Alors, on débute ça avec Ecolin. Love is a ghost in a room when she has turned away into the empty night. Love will make you wait to be found. It carries you. She'd love to fly, but

waiting silence until the stars go dark. My companion with your cracked withered heart. The day's coming, I know that you're calling on me. Days come, I know that you're calling on me. I don't want you to make me wait too long. It's time to get on the road. Half-beat colors, residues of my soul. Alors, c'était Riverside de Pologne avec la pièce-titre de leur plus récent album qui vient juste de paraître, c'est Wasteland. Et auparavant, nous avions King Crow d'Italie et la pièce If Only de l'album Eidos. Et en début de bloc, nous avions la formation britannique, c'est-à-dire américaine, Echoline et la pièce Past Gravity tirée de l'album éponyme. Alors, ceci met fin à la programmation de cette 197e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez réécouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et sur Internet, bien, vous pouvez aller sur SoundCloud et vous aurez accès à l'émission la plus récente. Et vous n'avez qu'à taper dans la barre de recherche « Rock de neurones » et vous allez pouvoir écouter l'émission les 2 heures sans interruption. Sur SoundCloud et sur archive.org, il n'y a pas de publicité. Pour connaître les détails exacts concernant les pièces, les albums puis les artistes qui ont passé durant l'émission, bien, je vous invite à consulter la page Facebook de « Rock de neurones ». Et aussi sur cette page, bien, vous avez des liens sur les plus récentes chroniques que j'ai rédigées, surtout la dernière de Fido, l'album Infernal. Et aussi, vous avez le lien pour accéder à 127 émissions archivées. Ça se trouve sur archive.org. Et encore une fois, bien, vous avez... En fait, archive.org, la particularité, ce qui est intéressant, c'est que vous écrivez dans la barre de recherche le nom d'un artiste ou d'une pièce que vous avez aimée et ça va vous amener sur l'émission dans laquelle cette pièce-là s'est retrouvée. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous invite à passer une belle semaine et à nous revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.